L'extrait que nous avons choisi est pris de la pièce théâtrale de Molière intitulée Les femmes savantes, qui est parue en 1672 et qui est une œuvre très importante dans la littérature française. Cette comédie des mœurs porte sur le sujet de l'éducation des filles, en dénonçant ceux qui accordent trop d'importance au savoir et risquent pour cela de tomber dans l'erreur produite par cet excès. Philémonte chasse la servante Martine à cause d'une faute grammaticale. Initialement, Chrysale, qui ne sait pas encore quelle faute a commis Martine, est d'accord avec sa femme sur la question de la chasser. Mais quand il apprend le crime commis par Martine, il est obligé de donner raison à sa femme, même s'il n'est pas du même avis qu'elle et sa sœur Bélise. Le dialogue est caractérisé par le registre comique, ce qui est visible dans la domination de la femme sur l'homme et dans le grotesque du renvoi pour une faute grammaticale. Et ce registre est aussi employé pour condamner l'excès du savoir dans la société. Nous avons décidé d'adapter cet extrait de dialogue à nos jours en adressant une faute grammaticale faite souvent parmi les apprenants et locuteurs du français et qui est souvent adressée dans les cours de français à l'école. Dans notre dialogue, Martine est la jeune fille de Philémonte et Chrysale. Les deux ne sont pas contents avec ses prestations scolaires et sa façon de parler et de se comporter bien qu'il l'ait bien éduqué, selon eux.